même sous mes mots, c'est mon projet. Nique sa mère que la censure vienne me coller un procès. Le hip hop, j'suis son nouveau portrait. Ce CD c'est mon trophée, et oh je le porterai. J'ai plus le temps pour rechercher les perches, même si mon blaze est invisible comme un fil de pêche. Ici les gens, tu le rames dans les péchés. J'ai plus le temps pour taffer, j'ai mis hip hop, c'est mon CV. Le problème, c'est qu'aujourd'hui les jeunes veulent s'évader avec un flingue à billes. Ils veulent tout, même Silicon Valley. Si l'école m'avait offert mes chances, j'y serais allé. Maintenant, c'est plus ma mère, ma copine qui arrête pas de râler. Aujourd'hui, la pilule est dure à avaler. Y'a plus de gosses enceintes que de bons sons dans nos grosses enceintes. Les gens sont impatients, le rap plus qu'une passion. Si le rap était docteur, je serais le plus fou de ses patients. Y'a plus rien de passionnant. Dans le rap, je tourne rond comme un poisson. Et à force, moi, je te dis que c'est saoulant. Le rap, jusqu'à sa mort, je serai soudé. Et jusqu'à son dernier souffle, bah, moi, je saoule. Ouais. 20 000 rimes sous mes mots, c'est mon projet. Nique sa mère que la censure vienne me coller un procès. Le hip hop, j'suis son nouveau portrait. Ce CD c'est mon trophée, et oh je le porterai. 20 000 rimes sous mes mots, c'est mon projet. Nique sa mère que la censure vienne me coller un procès. Le hip hop, j'suis son nouveau portrait. Ce CD c'est mon trophée, et oh je le porterai. Pour écrire l'album, faudra plus qu'un calepin. 2010 c'est loin, il faut de l'encre, même si j'ai le cœur plein. J'ai pas de plan, cas où, sinon c'est des merdes. Mais tant pas de temps, y'aura mon place, surtout vos CD vierges. Aujourd'hui le temps est devenu précieux. Mes rimes sont des blessures, dédicace à toi petit pisseux. Les prods sont devenus des cas précieux. Le monde part en couille, même Dieu est devenu capricieux. Aujourd'hui le problème, ce qu'on veut tout de suite. Y'a plus rien sans combine, c'est mon album, pas une putain de compile. On rêve de succès, mais j'ai d'autres soucis. Les jeunes pensent que pour percer, y'a plus qu'à passer qu'un. 20 000 rimes sous mes mots, c'est mon projet. Nique sa mère que la censure vienne me coller un procès. Le hip hop, j'suis son nouveau portrait. Ce CD c'est mon trophée, et oh je le porterai. 20 000 rimes sous mes mots, c'est mon projet. Nique sa mère que la censure vienne me coller un procès. Le hip hop, j'suis son nouveau portrait. Ce CD c'est mon trophée, et oh je le porterai. Au départ, je donnais pas d'importance. C'était qu'un passe-temps, maintenant le rap est devenu important. La musique est devenue une potion. Si le rap est mort, c'est que ma muse est devenue un poison. Avant, je n'en ronds comme un poisson. Les gens répétaient, la musique n'est qu'une passion. Les poings serrés, j'ai pété les serrures. Plus de main serrée, j'ai pris le stud comme une cellule. On m'a dit petit, le monde est rude. La chute peut être mortelle, mais à force t'en auras l'habitude. Dans ce jeu, je ne suis qu'une antilope. A tout chasseur sachet, je cracherai dessus comme un anti-pop. Aujourd'hui les gens tripotes sont des sacrés putes. Depuis que le hip-hop a touché mon épaule, c'était l'époque où les potes faisaient confiance. Où le mot équipe avait un sens d'importance. 20 000 rimes sous mes mots, c'est mon projet. Nique sa mère que la censure vienne me coller un procès. Le hip-hop, j'suis son nouveau portrait. Ce CD c'est mon trophée, et oh je le porterai. 20 000 rimes sous mes mots, c'est mon projet. Nique sa mère que la censure vienne me coller un procès. Le hip-hop, j'suis son nouveau portrait. Ce CD c'est mon trophée, et oh je le porterai. 20 000 rimes sous mes mots, on redémarre le projet poteau. J'ai présenté tous les nouveaux portraits de ce putain de rap français. C'est perso, Headbangers, RWA, El Calia, l'anonyme, TIS, Lonzio, et Tony Tonzo.